qui regarde télévision, à la télévision qui regarde Pollux, j'aimerais avoir une petite oreille attentive. Il s'agit effectivement de découvrir et d'analyser et de s'enthousiasmer pour un groupe Météor, un groupe qui vient de débarquer sur notre planète du prog. Un groupe suisse, un groupe qui s'intitule Galahad et qui défraie les chroniques dans le petit monde des progsters réunis. Galahad est une véritable découverte. C'est certainement un grand devenir, encore que même c'est déjà un grand. Galahad, vous aurez le plaisir de les découvrir en concert en janvier, mais qu'importe qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, c'est peu important car cet album qui vient de sortir est vraiment superbe. Donc n'y voyez aucune connexion entre ce que je viens de dire et le futur concert. Mais si, dans un autre sens, vous aimez, vous allez apprécier les deux extraits, chose inédite sur Bande à part, je dis donc les deux extraits que je vais vous passer, eh bien alors courez le 22 janvier. Le 22 janvier, grâce aux efforts de Stéphane Ozio et de l'école des TPE, eh bien Galahad sera dans nos murs. Certes, certains ont déjà pu les voir en concert au mois de juin, eh bien c'est tant mieux, ils pourront mesurer l'ampleur de l'évolution de ce grand groupe. Galahad, donc un grand extrait, deux extraits même, pour le prix d'un, sur Brume. Galahad, G-A-L-A-A-D, sur Bande à part, 78 89 45 05. Écoutez bien, il y aura quelque chose à gagner après. Galahad. au manège comme faut. Je peux monter sans rien de ce qu'il faut. Comment faire sans ce qui se tue? les secondes en art, et les arts en chagrin, et les arts en chagrin, et les arts en chagrin, et les arts en chagrin, et les arts en chagrin, et les arts en chagrin. Les chants désespérés sont souvent les chants les plus beaux. Oui, c'est vraiment très triste pour un dimanche matin, mais c'est une telle profondeur, d'une telle richesse qu'on ne peut pas s'empêcher de passer ce premier morceau. Oui, je vous annonçais deux morceaux. Après Sablière, on écoutera, je l'espère, avec plaisir. En tout cas, je me régale derrière mon micro, c'est de l'or. Alors, à ce titre, puisque ce groupe Galahad, je le rappelle, vient en concert le 22 janvier, c'est un vendredi, à l'école des TPE, c'est à Vaux-en-Velin, et ce sera à 20h30, et ce sera 70 francs. Voilà, vous savez, tout, ou presque, sauf que on s'attend à une prestation des plus formidables. Oui, alors, je disais, puisque avec Galahad, c'est vraiment le coup de cœur de ces 6 derniers mois. Une petite question, un petit concours, allez va, on va se fendre, je pense que Stéphane Ozio me tirera pas les oreilles, on va se fendre d'une place gratuite au concert, d'une place gratuite à ce concert de janvier que j'attends encore avec impatience, de plus en plus que j'écoute cet album. Donc pour gagner cette place, le premier qui téléphone, eh bien gagnera cette place, les deuxièmes et troisièmes gagneront soit un abonnement à 6 Dragons, soit des 45 tours, bref, ils auront des cadeaux. Alors la question, attendez avant de téléphoner quand même, la question est la suivante. Quelle est la nationalité de Galahad? Ce groupe vient de quel pays? Voilà, c'est vraiment se rouler par terre tellement que c'est facile. Je n'en peux plus. Voilà, on continue dans ce voyage au sein de l'univers de Galahad. Avec un deuxième morceau qui est un morceau phare, un des plus anciens, il s'intitule tout simplement « C'est de l'or ». Galahad sur Brume. Ah, un petit problème technique, ça y est, ça va repartir, ne vous inquiétez pas, « C'est de l'or » arrive, « C'est de l'or » le voici, le voilà, Galahad. Écoutez, la radio n'a rien d'innocent. À chaque seconde, votre cerveau reçoit, sans s'en rendre compte, des milliers de messages subliminaux transmis à travers les ondes. Brume se bat contre ces pratiques odieuses et vous propose un programme garanti 100% pur rock. Tu as fermé, ouais ! Thank you. jette de tes falaises. Je les reviole tes poumons, qu'un grand vide, un malaise, n'assure plus la raison. On t'émiette le bon sens, la gloire fracasser la goutte, en ouvrant la vanne, en noyant tes soutes. Voilà, une pure merveille, vraiment c'est du prog comme je l'aime, avec des cassures, avec des syncopes, avec une variété de sons au niveau des claviers et de la guitare, avec un chant porteur, un univers à découvrir, des paroles de toute beauté, où je ne trouve plus les adjectifs pour vous recommander ce premier Galahad. C'est publié par les collègues de Musea et on les applaudit. Le titre de l'album, 1er février, mais c'est sorti il y a une petite semaine, Galahad. Je vous le rappelle, en concert le 22 janvier à l'école des TPE. Il y aura également Sundrun, un petit groupe lyonnais bien sympa qui était passé devant les micros de Brume, un groupe fortement influencé par Tolkien, l'Heroic Fantasy et Marillion. Que des bonnes références, que dis-je. Et également, si tout va bien, et c'est un scoop, Gilbert Gandil de Pulsar, et oui, qui interprétera devant l'auditoire des morceaux de Pollen, entre autres, si tout va bien. Voilà, alors, je sais pas ce qui vous allez demander à Noël. Moi, je vais demander 70 francs pour aller voir ce concert. Voilà, on continue donc notre petit bonhomme de chemin avec les nouveautés. Une réédition de chez Kinetic. Kinetic Disc, c'est une petite boîte bien sympathique américaine qui réédite à tour de bras des choses british, entre autres. Et ils se sont dit pourquoi pas Kraft. Alors Kraft, c'est pour ceux qui aiment The Enid, ceux qui aiment ELP, c'est très très chouette, très symphonique, très clavier bien sûr. Et c'est enfin disponible en laser grâce à Kinetic Disc. Kraft sur le 90.7. Je rappelle le concours, il y a encore des choses à gagner, même si la place est déjà partie. Au 78 et 89 45 05, 78 89 45 05, si vous me téléphonez et vous me dites la nationalité du groupe que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire Galahad, eh bien vous gagnerez des cadeaux. Ah là là là là. Kraft. Voilà, après Cathédrale, on va marquer une petite pause informative, puisqu'il faut quand même évoquer les magazines de progressifs qui sont quand même les piliers du renouveau, qui sont là pour, propager la bonne parole. Alors, il y en a deux qui sont sortis et un qui est sous presse. Alors, celui qui est sous presse, je passe très très vite, c'est Acid Dragon, voilà, il sort vendredi prochain. Et sera en vente, je pense, début janvier. Donc Acid Dragon, eh bien, on en parlera un peu plus lors de la prochaine émission. Je peux déjà vous dire qu'il y a une interview de Clive Noland, le claviériste, entre autres, de Pendragon. Un dossier sur l'Espagne, un dossier sur Anyone's Daughter. Et une foultitude de chroniques sur les nouveautés. Voilà, 4 pages en plus et pour le même prix, Acid Dragon, très bientôt sur votre bureau ou sur votre tablette. déjà sorti il y a quoi, une semaine, eh bien Harmony, l'ancêtre du rock progressif, la bible du rock progressif, l'encyclopédie du rock progressif est sortie avec une couverture superbe, toute de noir vêtue, et une couverture couleur, une photo couleur de Scheherazade. Scheherazade, la dernière nouveauté japonaise, que vous aurez le plaisir, je l'espère en tout cas, ça a été le mien, d'écouter tout à l'heure vers les midis, suivant notre bonne d'habitude. Voilà, alors qu'est-ce que je trouve dans Harmony, qui sera donc en vente, comme d'habitude, dans les points rock de Lyon, c'est-à-dire les boutiques d'occasion, Bouledingue, Mazurka, Danger House, et j'en passe. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant? Ben moi, j'ai vu, en sus des chroniques habituelles, style Chandelier, Fancy Fluid, L'Asturion, Shadow Gallery, un article intéressant sur les productions de Mellow Records. Mellow Records, c'est un petit label italien qui se spécialise dans les rééditions de fond de tiroir. Alors certes, il y a souvent à jeter, il y a souvent à manger, mais souvent à boire, et jusqu'à l'ivresse. Et donc certaines rééditions italiennes de toute beauté, je pense notamment à Murple. Murple est une petite un petit diamant qui était enterré, qui a été donc remis à la vie grâce à Mellow Records. Une interview de Clepsydra, les Suisses, chers à nos cœurs puisque c'est des amis et qu'on espère voir un de ces quatre sur Lyon. Donc une interview fort intéressante de Clepsydra et des chroniques de disques, dont deux pages sur le dernier Roger Waters. Vous comprenez l'urgence du passage en radio, vu qu'effectivement c'est un album de choix. Voilà, article également sur Casino, Landberg, Murple, déjà cité, Éclat. Enfin, c'est des chroniques plus que des articles. Hein. Voilà, donc, autant de chroniques qu'il y a de nouveautés, et alors ça en fait un gros paquet. Voilà, donc, le dernier Harmony, en vente dans toutes les bonnes épiceries, 35 francs, il a augmenté, mais bon, il est toujours aussi beau. Également, même format, même papier glacé, même couverture couleur, Musea Magazine. Alors ça, c'est un magazine qui se veut également un... comment dire, un support de prospection, de comment dire, un support de d'émancipation des produits Musea. Voilà, en fait, donc ça permet de connaître un peu mieux Musea, les productions. Ça, c'est quoi, c'est de la propagande entre guillemets, mais qui se veut quand même critique. Ça fait plaisir. Il n'y a pas qu'un seul coloche et on n'hésite pas à dire si c'est bien ou pas bien, ou en tout cas les défauts des productions. C'est donc très louable et ça se lit très bien, quoi. Voilà, c'est pas de la langue de bois en d'autres termes. Donc, le nouveau numéro, c'est le numéro 3. Ça coûte 20 francs. Normalement, on trouve ça par correspondance en s'adressant à Musea. Oui, on trouve pas ça dans les boutiques. Mais bon, l'adresse du Musea, vous la connaissez par cœur, je vais vous la rappeler, elle est 68, comme le mois de mai, la Tinchot, la L-A, plus loin, Tinchot, T-I-N-C-H-O-2-T-E, 57-57-117-117, Retonfait, R-E-T-O-N-F-E-Y. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que bon, je vous fais de la pub comme ça, mais je vous dis pas ce qu'il y a. À part une interview sympathique d'Alain Robert, le maquettiste de Musea. Bon, il y a un courrier des lecteurs fort intéressant avec une intervention d'Olivier Coran, notre collègue de musique sophistiquée. Bon, des articles sur Pulsar, Halloween, interview du Minimum Vital, chronique de Betsky Zazas, le ELP brésilien, Dice, Versailles, Noetra, Eliane, voilà, il y en a vraiment, Neuschwanstein, bien sûr, une petite newsletter. Voilà, et puis quelques articles sur les rééditions, et une interview, j'allais l'oublier, une interview de Galahad, eh oui, bis repetita. Voilà, donc Musea Magazine, Varia, et très prochainement Acid Dragon, à vos porte-monnaies. No one is anyone's property, no one should be a slave. The joining of hearts in free will begins a tidal wave. Don't hold back, don't think that hope is pointless. Love is a, love is a, love is a, love is a open door. Don't believe that life. qui aurait cru que le Brésil serait un foyer pour le rock progressif, serait une mine? Eh bien pourtant, c'est vrai, et non, ce n'est pas du progressif bossa nova, c'est du progressif pur et dur dans la grande tradition british. Une démarche assez similaire aux japonais, en fait. Voilà, un an et demi, où on voit fleurir, tous les jours ou presque, des compilations, des rééditions et des nouveautés de groupes progressifs brésiliens. Tizaris en est un des plus talentueux et je vais vous laisser juger. Tizaris, What's Beyond, c'est le titre de l'album. We'll be right back.